Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alain J. Fable de la Fontaine, livre second de Jean de la Fontaine. Fable 14. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite. Jamais un plaisir pur. Toujours assaut divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille aussitôt de sauter dans les ondes, grenouille de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, six poltrons sur la terre qui ne puissent trouver un plus poltron que soi. Fin de la fable 14, Le lièvre et les grenouilles.